compte les heures, les jours, les mois et les années. La mort, tu sais, c'est très abstrait lorsqu'on n'y a pas été confronté. Alors je parle de toi au vent, aux fleurs, aux étoiles là-haut. Parfois je fais exactement comme si tu étais encore la poteau. Je suis vivant, le reste a moins d'importance. Je suis en vie, je suis en vie. J'ai encore des rêves, plus de croyances. Depuis que tu es parti, je compte les heures, les jours, les mois, les années. L'avant, tu sais, c'est si abstrait lorsqu'on n'y a pas été confronté. Alors je parle de toi au vent, aux fleurs, aux étoiles là-haut. Parfois je fais exactement comme si tu étais. Certainement pas pour rien, je suis vivant et ne reste à moi d'importance. Je suis en vie, j'ai encore des rêves, des espérances. J'ai le cœur qui saigne et qui me lance. Laisse-moi chanter toutes ces errances, un qui parle, l'autre qui reste. C'est surtout difficile pour celui qui reste et tout le reste à moi. Désormais pour le, en toute avance. Désormais.